franceinter.fr. Bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire, une émission réalisée par Antoine Dabrowski, assistée de Christiane Alain Favre, à la technique Charles Pellabon. Tous les dimanches soirs, avec des scénaristes, des comédiens, des bruiteurs et des réalisateurs, je vous raconte une histoire, celle d'un personnage, réel ou fictif, pris dans la tourmente de l'histoire ou qui ont marqué l'histoire. Il y a 15 jours, c'était la duchesse de Fontanges, favorite de Louis XIV, morte mystérieusement à 20 ans, une étoile filante à la cour de Versailles. La semaine dernière, nous étions dans les rues de Varsovie en 1871, avec la journaliste Clara Morier, à la recherche de Rosinski, jeune nationaliste polonais. Des histoires, si vous les avez manquées, que vous pouvez bien sûr réécouter ou podcaster sur notre site franceinter.fr. Ce soir, c'est une émission un peu différente que je vous propose. À l'occasion de la rentrée littéraire, je reçois trois écrivains pour des livres qui, comme cette émission, mettent en scène des personnages dans l'histoire. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Judith Pérignon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, journaliste. Vous venez de publier « Victor Hugo vient de mourir » chez l'Iconoclaste, où vous rappelez un événement un peu oublié de notre mémoire collective, la mort de Victor Hugo le 22 mai 1885, et surtout l'immense onde de choc qu'elle provoqua alors. Près de 2 millions de personnes sont sorties dans la rue pour ses funérailles nationales. La police était sur les dents, la mort du poète n'allait-elle pas déclencher un attentat anarchiste ou même une révolution? C'est un livre extrêmement documenté, très bien écrit aussi. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est un roman, c'est un livre d'histoire, c'est un roman historique? C'est pas un livre d'histoire. Je suis vraiment rentrée dans l'histoire par le roman. Mm-hmm. C'est notamment, et c'est plein de petits personnages que l'histoire oublie, un brigadier, un mouchard qu'on appelle 23, la petite bonne, les gens autour du lit d'Hugo qui ne sont pas des gens célèbres. C'est un roman qui traverse l'histoire. Je préfère le dire comme ça. Agnès de Sarde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi écrivain. On se souvient, en 96 notamment, vous aviez remporté le prix du livre Inter pour votre roman Un secret sans importance. Alors, votre dernier livre vient de sortir aux éditions de l'Olivier, Ce cœur changeant. L'héroïne s'appelle Rose, un personnage fictif, mais l'époque où se situe votre roman n'est pas très éloignée de celle du roman de Judith Pérignon. L'action se déroule entre le Danemark et Paris, entre la fin du 19e et les années 30. L'histoire d'un apprentissage pour cette jeune fille un peu mal partie dans la vie. Elle débarque à Paris à 20 ans, bien décidée à mener sa vie comme elle veut, mais elle va connaître la misère, après la solitude. Elle va survivre, elle va se reconstruire. On a en arrière-plan l'affaire Dreyfus, la guerre de 14, des années folles. Vous, vous ne diriez pas que c'est un roman historique, c'est un roman. Ça ne veut rien dire, un roman historique. Je l'appelle roman en costume pour rigoler. C'est comme ça que je l'ai vu la première fois que je l'ai rencontré. Roman en costume. C'est quelque chose qui vous plaît, les romans en costume? C'est un défi parce que je pense que n'importe qui, mieux que moi, pourrait arriver à faire ça. Et je suis la pire personne pour faire ça, mais c'était ça qui me plaisait. C'était essayer de faire quelque chose dont j'étais absolument incapable. Ah, ça, c'est une belle réponse. François Racheline, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aussi, vous avez fait quelque chose que vous vous sentiez incapable de faire, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes écrivain, économiste, essayiste, un parcours assez divers. Vous êtes même conseiller spécial du président du Conseil économique, social et environnemental. Vous avez publié des livres d'économie, mais aussi des romans, des livres sur la peinture, et vous venez publier une biographie LR, les silences d'un résistant chez Albin Michel. Alors, LR, ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Lazare Racheline, qui était votre père, et c'était un héros de la résistance, hein, un homme donc résistant dès 40, membre actif des services secrets britanniques avant de s'engager auprès de Gaulle. Et c'est à lui, sous le pseudonyme de Socrate, que le général, en 1944, confiera la mission clé pour préparer la résistance française au débarquement. Alors c'est un livre doublement intéressant, me semble-t-il, d'abord par tout ce qu'on apprend sur le résistant, donc c'est l'aspect historique, biographique, et puis aussi, je trouve, sur la relation entre le fils et le père, ce père si silencieux sur ses faits d'armes et qui est mort alors que vous n'aviez que 19 ans. Est-ce que ça vous dérange si on vous dit que votre père est un personnage romanesque ? Ah non, ça ne me dérange pas du tout parce que sa vie est un roman. Alors moi, j'ai moins de difficultés pour répondre aux questions que vous avez posées à Agnès de Sarthe et à Judith Pérignon parce que bon, c'est un récit en forme d'enquête sur un homme dont la vie était un roman. Donc appelez ça comme vous voulez. Et votre histoire aussi, là-dedans, est assez romanesque. On va y revenir tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission. Pour restituer toute la saveur de ces livres, j'ai eu envie aussi qu'on entende des passages, parce que c'est une émission aussi où on entend des comédiens, donc c'était important pour moi qu'on entende ces textes. Donc j'ai invité deux comédiens, Marianne Denicourt et Bruno Abraham Kremer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marianne Denicourt, on vous connaît, vous avez tourné au cinéma avec Chéreau, Rivette, Raoul Ruiz, Benoît Jacquot et j'en passe. Bien d'autres. Cette année, on vous a vu dans Irremplaçable de Thomas Lilti. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que lire en public ou à la radio des extraits de romans, c'est un exercice que vous aimez ? Oui, et de plus en plus, j'aime le faire. D'abord, c'est des gammes formidables de se confronter à des textes souvent très beaux, très bien écrits. Et puis voilà, de travailler seul et de se lancer ou en public ou à la radio, j'adore. Bruno Abraham Kremer, vous êtes comédien au cinéma aussi, mais surtout au théâtre. On se souvient de vous dans des spectacles, vous interprétiez des grands personnages, pas des moindres, Freud, Tchekhov, Romain Gary. Et en ce moment, vous jouez, les représentations viennent de commencer, Le Roi Lear de Shakespeare au Théâtre de la Madeleine à Paris, avec Michel Aumont. Merci donc d'avoir fait un petit détour à France Inter. Lire des textes comme ça, qui ne sont pas des dialogues, pas des pièces de théâtre, c'est bien aussi. D'ailleurs, c'est un exercice qui vous est familier, de reprendre des textes littéraires et d'en oui, faire des spectacles. J'en fais beaucoup de spectacles. Vous citiez Gary, mais j'en ai fait un récemment sur Jean Kelevitch, par exemple. Ah aussi. Oui, enfin, aussi. Bon, j'aime beaucoup Victoria. Travailler sur des textes. Et je dirais même que je considère que c'est mon travail. Je fais pas une si grande différence que ça entre voilà un média ou un autre, mais oui, je trouve que mon travail, c'est d'essayer de faire entendre des écritures. Dans quelques minutes, on parle de Victor Hugo avec Judith Pérignon pour son roman Victor Hugo vient de mourir dans Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Welcome to my earth. It's a crying shame. We have built a foolish world, busy fighting, cruelly lying and denying. My ghosts are not gone. They dance in the shade. Now you can feel my heart spinning. You turn my whole life around. I want to write a new beginning. Let go of the ghost. Let dreams and hopes fly. And give our love another try. Should we just let it be? Now you can feel my heart spinning. You turn my whole life around. I want to write a new beginning. Let go of the ghosts. Let dreams and hopes fly. And give our love another try. Should we just let it be? ¶¶ living without love, without love. Bay Ghost sur France Inter, dans Autant en emporte l'histoire jusqu'à 22h. Le 22 mai 1885, cela faisait plusieurs jours que les Parisiens aux aguets suivaient la lente agonie et savaient la nouvelle imminente et inévitable. Mais enfin, à 2h de l'après-midi, elle tombe la nouvelle. Un télégramme du commissaire de police du 16e arrondissement est envoyé au cabinet du préfet. Victor Hugo est mort. La nouvelle court les rues, les pattes portes et les métiers. On entend l'autre dire qu'il est mort, le poète. Vient alors cette étrange collision des mots et de la vie qui produit du silence, puis des gestes ralentis au travail. L'homme qui leur a tendu un miroir n'est plus là. Elle tombe alors de la cantine, la mort, dans la toute jeune école laïque, gratuite et obligatoire. Elle plane sur les réfectoires comme un rapace qui vole bas. Elle rappelle la récitation des châtiments et les questions dans les livres de lecture morale et civique. Savez-vous pourquoi Victor Hugo a habité quelque temps à Guernsey? Que trouvez-vous d'admirable dans la conduite de Victor Hugo? Elle traverse les ponts, les murs, la salle Lévis, où les tailleurs en grève depuis des semaines se rassemblent chaque jour pour réclamer une augmentation. Ils sont à bout, la lutte est trop longue, ils n'ont plus de quoi payer leur loyer. Quand la nouvelle passe, ils se retrouvent sans voix, et les meneurs s'écrient qu'il faut tenir jusqu'aux obsèques. Une heure plus tard, les éditions spéciales inondent les rues. Elles étaient prêtes, elles attendaient, cernées de noir. Aux fenêtres de Paris fleurissent des drapeaux tricolores ornés d'un crêpe sombre. Au 41 rue des Écoles, c'est la Société des étudiants qui s'est dépêchée d'afficher sa tristesse. Rue du Parc Royal, c'est le marchand de journaux. Au 18 rue Richer, c'est le journal La Lanterne. Mais l'étoffe du deuil flotte aussi aux fenêtres anonymes. Au deuxième étage du 10 rue des Gravilliers, au 9 rue du Cardinal Lemoine, à bien d'autres adresses encore qui chaque fois font l'objet d'un rapport de police. Tout signe de tristesse est normal et suspect. La peine peut tourner à l'émeute, surveiller la couleur du drapeau, qu'il ne vire pas au rouge. Et ces marées montantes devant la maison du poète, la foule est de plus en plus considérable. Depuis des jours, elle a vécu suspendue au récit de son agonie. Depuis des années, au son de sa voix. Alors elle vient ou revient, se rapproche. C'est 10 centimes la biographie imprimée depuis quelques jours chez Aubineau. La foule achète, comme elle arrache encore des feuilles aux lierres qui débordent du jardin. Elle fait du sentiment, pas de politique. Elle n'est qu'instinct protéiforme. Elle sait qu'il était l'homme des grandes espérances. Elle sait l'essentiel. Elle laisse l'événement descendre sur elle. Les mailles de la légende s'emparent d'elle. La nouvelle est comme la neige lorsqu'elle recouvre tout, égalise tout de son manteau froid. Mais c'est le mois de mai, le printemps, pas de neige, pas de blanc. Juste le frisson d'un pays saisi depuis que l'arrêt de mort est tombé. Merci Marianne Denicourt, c'est donc un extrait de Victor Hugo vient de mourir que vous avez publié, Judith Pérignon, que vous avez écrit. Victor Hugo meurt donc le 22 mai 1885, il était né en 1802 bien sûr, quand le siècle avait 2 ans, il a traversé tout le 19e siècle. On a un peu oublié donc l'événement national que ça a été, cette mort d'un poète. Est-ce que c'est parce que c'est la mort d'un poète, cette espèce de fascination, cette onde de choc, cette espèce de marée comme ça qui presque physique, enfin, on parle d'une neige, on a l'impression que c'est la mer aussi. Enfin, est-ce que c'est ça, cet événement qui vous a fasciné pour que vous ayez eu envie d'en écrire un livre? Parce que c'était un écrivain? La mort d'un écrivain? Non, je crois que ce qui m'intéressait, c'est on a toujours dit la foule a été énorme à cet enterrement et je partais de cette idée-là et je me suis dit qu'est-ce qui a mené cette foule jusqu'à lui et finalement interroger ce moment et les motifs de cette foule, c'était interroger mon propre lien, je pense à Victor Hugo que moi j'ai installé dans mon panthéon depuis que je suis toute petite. Donc c'était chercher ce lien qu'il a établi avec eux, avec nous encore, de manière presque magique. Mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez Victor Hugo qu'il continue aujourd'hui de fasciner? Par exemple, enfin c'est un exemple parmi d'autres, mais cet été, il y a eu sur France Inter, il y a eu une série de Guillaume Gallienne, un été avec Victor Hugo tous les jours, et les gens étaient captivés. Enfin, c'est quand même un personnage qui, donc plus d'un siècle après sa mort, continue de fasciner et de représenter quelque chose de populaire en France. Mais je pense que ce 19e siècle, il est vraiment l'incarnation, l'écrivain de ce 19e qui est marqué par un grand moment de rêve. Ces gens-là croyaient, et d'ailleurs la foule qui est à cet enterrement, elle est pas triste parce qu'elle est portée par l'espoir. Et ce rêve du 19e, on en a tous hérité, même si je pense qu'aujourd'hui on vit à peu près la période inverse. On est des gens totalement désabusés par rapport à ces gens qui descendaient dans la rue pour Victor Hugo. Il ne serait pas devenu Victor Hugo s'il n'y avait pas eu ses 20 ans d'exil. Il incarne cette alliance des lettres et du courage. C'est l'intellectuel, mais c'est l'homme engagé. Et je pense que toute notre conscience, le plus beau de la conscience française, repose sur cet engagement et sur l'écriture. Et donc, il synthétise tout ça. C'est fou parce qu'on est en 1885, on l'a dit, l'école publique est gratuite, enfin, dans le texte que vient de lire Marianne Donicourt, on l'évoque. C'est tout récent, finalement, cette école obligatoire et gratuite. Et pourtant, le peuple connaît les poèmes de Victor Hugo. On voit des manifestations, il y a des anarchistes ou des anciens communards qui défilent et ils ont des vers de poèmes de Victor Hugo sur des banderoles. Enfin, c'est fascinant quand même. Ah oui, on voit même dans les témoignages de l'époque des paysans illettrés qui savent vous réciter du Victor Hugo. Donc, il est une forme, le dernier mot de mon livre est le mot prière. Je pense que c'est un peuple qui est en train, la France est en train de s'émanciper, notamment de la tutelle religieuse, mais elle garde une envie de croyance. Et je pense que les poèmes ou les romans de Victor Hugo sont comme une prière, finalement. Les Misérables est un roman populaire. Les Châtiments est un cri politique. C'est en plus Victor Hugo, d'une certaine manière, ses romans sont très lisibles. Il y a des personnages, il y a de l'action, il y a des discours politiques flamboyants. Il épouse toutes les formes de l'écrit. Il est publié dans les journaux, il parle à la chambre, il est partout. Il est partout dans toutes les têtes. Dans votre roman aussi, Judith Pérignon, donc il y a beaucoup d'action, hein, on est dans les débats aussi, les questionnements au moment de cette mort. Est-ce que Victor Hugo, il a refusé l'extrême onction? Est-ce qu'il va, au moment de mourir, est-ce qu'il va réclamer la présence d'un prêtre? Tout le monde tente de récupérer aussi politiquement l'événement. On décide d'organiser des obsèques nationales, mais où doit-il être enterré? Au Père Lachaise, comme il le souhaitait, ou bien au Panthéon, qui est encore une église catholique. Donc l'idée, c'est d'en transformer ce panthéon temple laïque, et le parcours du convoi. Ça, c'est aussi un grand débat à ce moment-là. Doit-il passer par la rive droite, donc les quartiers populaires, avec ce risque d'une insurrection, ou rester rive gauche dans les quartiers plus bourgeois? Et dans un passage magnifique, Judith Pérignon, vous racontez aussi que des ouvriers ont écrit à Locroy, qui est donc député et qui est un proche de la famille de Victor Hugo, ils lui ont écrit pour tenter d'obtenir que ce défilé ait lieu non pas un lundi, un jour travaillé, mais un dimanche, jour chômé. Monsieur Locroy, député, nous venons d'apprendre à l'instant par les journaux que le gouvernement a décidé de faire les obsèques de notre grand poète, monsieur Victor Hugo, lundi 1er juin à 11h. Nous aurions voulu rendre les derniers hommages à celui que nous appelions notre père à tous. Les maisons auxquelles nous appartenons ne pouvant pas laisser tous les personnels s'absenter, nous nous voyons contraints de ne pouvoir assister aux funérailles de l'homme qui fut l'ami de tous. Nous venons vous demander, au nom de tous, si comme parents de notre cher défunt, vous ne pourriez pas user de vos droits en demandant au gouvernement que les funérailles se fassent dimanche. Alors nous pourrions assister aux funérailles du grand poète. Signé les employés des quartiers du Faubourg Saint-Denis et Saint-Vincent-de-Paul. Monsieur, le vœu de tous les habitants de la rive droite est de voir l'enterrement du regretté et vénéré maître pour lui dire en passant un dernier adieu. Pourquoi ne pas lui faire suivre tous les boulevards ? Il appartient à tout Paris de pouvoir saluer une dernière fois Victor Hugo. Monsieur, les funérailles ne devraient-elles pas avoir lieu un dimanche pour que tous puissent les suivre ? Si elles ont lieu un dimanche, tout Paris, moins les cléricaux, se fera un devoir d'y venir. La pile grossit. Elle rend plus glaçante encore la décision du gouvernement, plus clairs ses motifs, plus grande la ferveur des quartiers populaires. Faites un détour. C'est la sympathie publique qui lui fera plaisir. Des petits surtout qui abandonneront leurs intérêts pour le voir et lui dire adieu. Faites un détour. Mettez-nous à même de lui prouver notre amour. Vous allez faire passer le corps de Victor Hugo par le faubourg Saint-Germain, où les Richards qui habitent le boulevard de ce nom lui ont tous montré peu de sympathie. Y aura-t-il un seul drapeau à leur fenêtre ? C'est chez les travailleurs qu'il trouvera une manifestation digne de lui. Annoncez-le bien vite, faites rectifier immédiatement, que nous ayons le temps tous de pavoiser sur le parcours. Nous demandons humblement la préférence sur ceux qui lui ont fait du mal et qui l'ont exilé. Celle-ci est sur papier bleu également. Merci Marianne Denicourt. Donc ces lettres, Judith Pérignon, elles sont authentiques ? Bien sûr. Quand j'ai trouvé cette boîte à la maison Victor Hugo, le musée extraordinaire, qui est oui, extraordinaire, d'autant que la légende républicaine a quand même fait de cet événement un grand moment d'unanimité nationale. Alors, il y a eu unanimité nationale, il y a eu du monde, c'est vrai. Mais vraiment, le gouvernement, ça a été un événement très policé. Et on est dans un Paris qui s'est industrialisé, où le prolétariat est en essor, où les idéologies montent, l'anarchisme, les communards sont de retour depuis 5 ans, le communisme, le socialisme. Les chambres syndicales sont légales et vraiment, il y a quelque chose qui monte et on connaît la suite de l'histoire. Et le gouvernement va quand même faire en sorte de faire que ce soit un lundi, pour que tous ces gens ne soient pas là. Et en fait, il s'est rien passé. Ils ont confisqué tous les drapeaux rouges. Personne n'est venu armé parce que les plus véhéments, finalement, sentaient bien que la foule les aurait repoussés. La foule, elle voulait... Et ces lettres montrent que les gens voulaient du recueillement. Ils ne voulaient pas une révolution. Mais j'ai trouvé ce lien. Ces lettres, elles sont pleines de fautes d'orthographe. Par ailleurs, elles sont écrites à la main, des bouts déliés. On sent qu'ils se sont mis à plusieurs, qu'ils sont timides avec l'écriture. Et ce lien entre des gens qui maîtrisent à peine l'écriture et l'écrivain, on est au cœur de la force d'Hugo dont on parlait tout à l'heure, et au cœur de ce qu'est le lien entre l'intellectuel, l'écrivain et les invisibles, et ce qui nous manque terriblement aujourd'hui. On est dans une fracture profonde, et j'étais vraiment profondément émue par ces lettres, qui changent quand même la vision de l'événement. Où serait-il, à votre avis, Victor Hugo, aujourd'hui, pour conclure peut-être ? Serait-il avec les migrants ? Bien sûr, forcément. Les misérables sont là, hein. Ils ne sont pas que là, mais ils sont là. Merci beaucoup, Judith Pérignon. Dans votre livre, Victor Hugo vient de mourir, vient de sortir chez l'Iconoclaste. Je le recommande chaleureusement. Autant on emporte l'histoire sur France Inter. Agnès de Sarthe, je me tourne vers vous, votre héroïne Rose, aurait presque pu vivre cet événement. Elle est née quelques années après la mort de Victor Hugo en 1889. Bon, Rose n'a rien d'un monstre sacré comme Victor Hugo, ce n'est pas un personnage national. C'est une petite jeune fille un peu perdue dans sa vie et dans l'histoire. Rose, fille d'une mère danoise, aristocrate assez peu aimante, on va dire, c'est un euphémisme, assez folle aussi, fille d'un père français militaire, lui assez indécis et assez négligent aussi. Et donc cette jeune fille, elle arrive à 20 ans à Paris en 1909, elle veut se forger sa propre vie, décider de sa propre vie, et elle débarque donc à Paris en provenance d'Afrique. Paris, France, 1909. Rose avait voyagé toute la nuit. Lorsqu'elle sortit de la gare de Lyon, elle cligna des paupières aveuglées par le soleil blanc d'automne. De dos, on ne lui aurait pas donné plus de 12 ans, à cause de sa petite taille et de son squelette menu, à cause aussi de la grâce inaltérée de son port de tête, haute et droite sur la colonne, prête pour l'étonnement. De face, on l'aurait cru âgée de 16 ans, car elle avait encore des joues et quelque chose dans son œil, une lueur spéculative, indiquait un souci du monde que seuls les adolescents possèdent. En réalité, elle avait 20 ans. Elle connaissait plusieurs pays, plusieurs continents, avait mangé du serpent, du singe, patiné sur des lacs gelés, bu du champagne, de l'aquavite, porté un costume militaire, chassé le lion, dormit sous une tente, elle parlait le danois, le français, l'anglais. Prononçait avec talent plusieurs mots de Dioula, avait lu Alexandre Dumas. Récitait joliment les sonnets de Shakespeare, les déclinaisons latines, quelques proverbes. Elle se prenait souvent pour une héroïne de Hans Christian Andersen. Savait nager sur le ventre et sur le dos, monter à cheval, jouer au croquet, tricoter à quatre aiguilles, arranger des bouquets. Mais elle ne savait rien de l'argent, des hommes, de la politique, du sexe. Elle leva les yeux vers le beffroi où l'horloge monumentale indiquait 9h06. Il lui restait une dizaine d'heures pour trouver un travail et un lit. Elle souleva son sac en tapisserie. D'un côté, une tête de hibou brune sur fond vert. De l'autre, un bouquet de fleurs mauves, pourpre et orange sur fond jaune. Ce sac lui ressemblait, pensait-elle souvent. Il était comme un emblème, un blason. En s'installant sur sa couchette dans le train, elle avait disposé la face hibou vers les autres voyageurs. Façon de leur signifier « Je ne dors que d'un œil, créature nocturne, je me défendrai s'il le faut ». Elle faisait confiance au regard glauque du volatile, à son air pas commode pour décourager les importuns. Au bas des marches de la gare, elle fit une halte et présenta son sac côté bouquet de fleurs, à l'intention des rares passants, voyant cette fois-ci un message de sympathie. « Bonjour, ami parisien. Je suis de retour dans la contrée de mes ancêtres. Après 3 ans d'absence, j'arrive de la lointaine Afrique. » Merci Bruno Abraham Kremer. Donc un extrait de Ce cœur changeant d'Agnès de Sarthe. C'est arrivé tonitruant de rose à Paris pourrait ressembler un peu au fameux défi de Rastignac dans le roman de Balzac, À nous deux Paris. Mais rose, bon, c'est pas exactement ça. Elle va se confronter à une réalité assez cruelle, très cruelle même, et beaucoup moins romanesque qu'elle l'imagine. Et puis Rose n'a aucun projet. Oui, c'est à l'inverse de Rastignac. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, si tout ça ne ressemble pas plutôt à une fuite qu'à une conquête. Elle cherche un nid, elle cherche un berceau, en fait. C'est un oiseau tombé du nid et qui ne sait rien. Elle n'a aucune adresse. Elle arrive dans un café, un peu par hasard. La patronne, qui s'appelle Marthe, elle n'est pas très recommandable. Enfin, pas très... Voilà, c'est une drôle de femme, quand même, assez sinistre. Mais elle ne voit rien, Rose. Cette dame lui propose donc de travailler pour elle. Oui. Elle va travailler... Sans la payer, parce qu'il n'est pas question d'argent entre elles. C'est que ce serait quand même dommage oui. de souiller leur belle relation. Voilà. Et Rose trouve ça extraordinaire. Elle trouve oui, elle est vraiment... totalement... Elle vit est dans une bulle, quand même. Hein. Oui. oui, elle est conquise par cette horrible femme. Oui, elle lui offre en échange de son travail le couvert et le coucher, mais quel coucher, hein, une paillasse dans un... Dans une cave. Dans une cave. Mais qu'elle appelle l'atelier, donc voilà, elle essaye de sauver les apparences. Et elle manque de mourir dans ce oui. lieu. Oui, Bruno Abraham Kremer. Il y a une chose, quand j'ai lu le livre, c'est que ce chapitre où on découvre donc Rose, il vient après la description de la rencontre de ses parents. Mmh. Et je trouve que ce qui peut passer pour une candeur chez ce personnage de Rose quand elle débarque à Paris, qu'elle est un peu naïve, effectivement, comme ça. Mais en même temps, on sent tellement qu'elle a besoin, quoi, La nécessité de l'arrachement. Oui, c'est un destin un peu, on parlait de Victor Hugo, c'est un peu un destin à la Cosette oui. ou à la Fantine, hein, par certains côtés. Ce qui différencie Rose de Cosette, c'est qu'elle vient d'une famille bourgeoise, une mère aristocrate, danoise, un père officier, donc on pourrait penser que ça va quand même pour elle, mais non, elle se retrouve dans cette misère, c'est assez étrange de comprendre, essayer de comprendre cette solitude. Et justement, c'est dans son enfance, probablement, elle a subi toute son enfance les crises de folie de sa mère. À la page 94 du roman, en 1906, c'était avant son voyage en Afrique. Elle vit à Saint-Germain-en-Laye avec son père aussi et sa mère, qui fait subir donc à sa famille ces crises de folie et qui a pris son médecin, pris l'épine comme amant. Rose est si habituée à sentir monter les crises de folie de sa mère. Vous dites ça, c'est assez étonnant, assez frappant. Vous dites qu'elle est devenue, sans le vouloir, une experte en météorologie maternelle. La seule personne donc qui la comprenne et qui soit attachée à elle, c'est sa nounou Zélada. Et une nuit, Rose est réveillée dans son lit par des cris dans la maison. Un fracas, des meubles qui tombent, du verre qui se brise. Elle ne sort pas de sa chambre, espère que Zélada viendra. Personne ne toque. La lune se couche, le ciel vire au gris, se zèbre de rouge. Toujours personne, Silence dans la maison. Quelqu'un est mort, songe-t-elle. Peut-être plusieurs personnes. Une voiture dans le jardin. La voix de Prilépine. Sa mère qui chante. René qui vocifère. Silence de nouveau. Le lendemain matin, les valises sont prêtes. Rose ne s'est pas rendormie. Elle est demeurée assise dans son lit, les yeux ouverts, assaillie par la faim, la peur, la curiosité. Elle s'est imaginé des scènes de bataille, des meurtres, des duels. Les mâles sont rangés dans le vestibule. Ses propres affaires ont été emballées. Elle a donc dormi, finalement. On ne lui parle pas. Son père est absent. Elle n'ose questionner personne. Les rideaux ont été retirés des fenêtres et c'est, Rose ne saurait expliquer pourquoi, une vision terrible. Il y a eu dégradation, pense-t-elle, sans trop savoir ce que cela signifie. Les domestiques vont et viennent. On la conduit à une voiture stationnée devant la grille du jardin. Bertie monte avec elle, se ronge les ongles avec minutie. Aux questions de Rose, elle répond en haussant les épaules. « Où est mon père ? Où va-t-on ? Où est ma mère ? Et Zelada ?» Lorsqu'elles atteignent la gare, Bertie dit à Rose d'attendre. « Quelqu'un va venir vous chercher. » Alors Rose attend. Dans son dos, la camériste parle au cocher. Rose se dit qu'elle comprend mal, certains mots ont dû lui échapper, c'est sûr. Comment Bertie et ce monsieur qu'elle ne croit pas connaître pourraient-ils échanger des propos aussi détaillés et aussi obscènes sur le corps de sa mère, le corps de Christina ? Les phrases l'atteignent comme une pluie fine dont elle ne parvient pas à se protéger. Elle aurait pu être danseuse, drôlement jolie pour son âge. Choquée par certaines postures, appelle ça des positions, c'est plus marrant. Rudement souple quand même. Et ses fesses, nom de Dieu, elle aide ses fesses. Même les malabars qui sont venus lui enfiler la jaquette à sangles, ils ont pris le temps de la reluquer. Quand je pense que j'ai assisté à un scandale. Bertie prononce le mot scandale avec une délectation manifeste. C'est le projet d'une vie qui vient de s'accomplir, dirait-on. Quelques minutes plus tard, un sous-officier suant dans son uniforme trop chaud et trop étroit se présente à Rose. « Adjudant Emerald !» s'exclame-t-il, la main au front, saluant la jeune fille comme si c'était un maréchal. « J'ai ordre de vous conduire au bateau. »« Au bateau ?» s'étonne Rose. « Où allons-nous trouver un bateau ? Et qu'irions-nous faire sur l'eau ?» Merci Marianne. Donc un extrait encore de Ce cœur changeant, de votre roman Agnès de Sarthe. Une scène terrible de cruauté où je trouve vous montrez très bien ce que peut vivre une jeune fille comme ça, à qui on n'explique rien, qui est totalement livrée à elle-même. Donc on comprend pourquoi Rose va partir, elle va aller en Afrique et puis elle va aller à Paris seule. On rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, donc ce départ pour Paris, donc il y a d'autres aventures qui vont lui arriver. Elle va rencontrer un homme, elle va rencontrer aussi Louise qui va la sauver un peu de cette situation. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire ici. Juste une petite question, Agnès de Sarthe. Est-ce que l'histoire, en fait, ce personnage féminin, est-ce que ce n'est pas aussi un peu cette époque qui l'a sauvée ? Une époque où, quand même, il y a une forme d'émancipation des femmes ? Est-ce que ça n'a pas joué aussi en sa faveur ? Le moment où Rose débarque à Paris, elle est à la fois victime de tout un tas de traitements, mais c'est vrai que la nouvelle mobilité des femmes... ne serait-ce qu'à cause de la bicyclette, de la voiture, etc. Ça a changé énormément de choses. Et c'est assez presque cocasse, d'ailleurs. Juste parce qu'elles peuvent bouger, il se passe de nouvelles choses. Et puis, la guerre de 14, où parce qu'il y a plus d'hommes, les femmes se mettent à agir, à construire, à travailler. Et les consciences s'éveillent, on se dit, tiens, elles peuvent servir à quelque chose. Et elles-mêmes se disent, on peut servir à quelque chose. Donc un beau roman initiatique, Ce cœur changeant. Merci Agnès de Sarthe. Ce livre, donc, je ne l'ai pas dit, il est publié aux éditions de l'Olivier. Thank you. Sweet Burden par Chilly Gonzalez and the Kaiser Quartet dans Autant on emporte l'histoire sur France Inter. François Racheline, votre livre LR, Les silences d'un résistant qui vient de sortir chez Albin Michel. Alors c'est pas un roman, hein, je l'ai dit, c'est une biographie, mais j'ai trouvé si bouleversant qu'il m'a semblé évident qu'il ait sa place dans cette émission. Vous racontez la vie de votre père, Lazare Racheline, né en 1905, mort en 1968, alors vous n'aviez que 19 ans, c'est bien ça? Oui. Un homme au destin fabuleux qui force évidemment l'admiration. On rêve tous d'avoir un père ou un grand-père comme ça, un vrai héros engagé en 40, volontaire. Il s'évade du camp de prisonniers où il a été emprisonné par les Allemands. Quand il revient en France, les lois antisémites ont été mises en place. Et donc, il ne peut plus travailler, il ne peut plus rien faire. Il tient absolument à agir et il va s'engager dans la résistance sous le nom de Lucien Rachet. Il va travailler dans les services secrets britanniques. Après, en 43, il sera avec De Gaulle. Donc, De Gaulle qui lui confiera une mission extrêmement importante au moment de 1944, au moment pour préparer le débarquement. Alors, ce livre, c'est la biographie d'un héros, mais c'est aussi l'histoire d'un fils. Vous, donc, François Racheline, à la recherche de son père, un père qui a emporté beaucoup de mystères sur sa vie personnelle, qui les a emportés dans la mort et sur ses combats aussi. Et dans le premier chapitre, François Racheline vous racontait une scène sans doute fondatrice, en tout cas bouleversante, je trouve, celle où votre père, donc Lazare, bien après la guerre, vient se recueillir devant un monument aux morts, une scène silencieuse où le jeune homme que vous étiez alors aperçut un mystère lié à la mort du frère de votre père, donc votre oncle, un certain Villa Racheline. Dans toutes les régions de France, le long des routes, au bord d'un pré, à proximité d'une cascade, face à une prairie, d'innombrables monuments rappellent à notre souvenir des hommes et des femmes exécutés par l'occupant. Celui-ci ne mentionne pas que des résistants ont été fusillés, mais sauvagement assassinés. Quand des années plus tard, en voiture, nous faisions le détour sur le chemin des vacances d'été, nous nous arrêtions à ce même endroit. Je devais avoir 8 ans le jour où je lus mon nom de famille dans ce coin de France, Racheline, avec un E en trop, suivi de ce prénom étrange, Vilquin, mal orthographié, dont j'ai appris ultérieurement le diminutif, Villa. Pour la première fois, je voyais pleurer mon père. Il restait devant la stèle dans un faux garde-à-vous. Ma mère s'éloignait. On me gardait à distance. Il sanglotait. J'aurais voulu tenir sa main, le réconforter, lui dire que j'étais à ses côtés. Ce n'était plus mon père, mais un enfant. Il avait soudain mon âge. Pour mon oncle et ses camarades, les assassins avaient pris leurs précautions. Ils barrèrent la route, peu empruntée, de Limoneste à Lisieux. Pas de témoins. Près d'une voie de chemin de fer toute proche, un cantonnier a pourtant tout vu depuis sa cabane. Il a décrit la scène après la libération. Il ne connaissait pas Villa, mais son portrait ne pouvait guère tromper. Grand, moustachu, fier, vêtu d'un complet bleu à rayures bayadères. Récemment, je me suis rendu sur les lieux. Devant la stèle, mon esprit vacille. Est-ce mon père en moi qui pleure ce jour-là? Je n'ai pas connu Villa, mais je pleure. Où donc est la main de mon père? J'ai le regard humide quand un homme s'approche. Quelqu'un de votre famille? Hasarde-t-il. Je remercie ce cantonnier de l'attention qu'il porte à l'entretien du lieu, des fleurs. Un carré de sable fin bordé de gazon coupé ras. Ils sont morts pour nous, c'est le minimum que nous leur devons. Il suffit d'un homme pour en racheter beaucoup. Un précepte talmudique affirme que le monde peut reposer sur un seul juste. Ce jour-là, je m'en persuade. Avant de m'éloigner, je regarde l'ombre des arbres flotter sur cet espace de mémoire. Je n'abandonne pas Villa. Il m'accompagne plus encore qu'auparavant. On l'appelait aussi Victor. C'est mon deuxième prénom, celui que je préfère. Je n'ai jamais pu parler de ce drame avec mon père. Depuis le massacre, il a dû prononcer en ma présence 3 fois, peut-être 4, le nom de son frère. Chaque fois, sa voix s'étranglait. L'horreur défilait à nouveau devant ses yeux. Il détournait la tête. Il garda la vie grâce au mutisme héroïque de Villa. Je suis né 4 ans après l'assassinat. je dois mon premier cri à ce silence. Merci Bruno Abraham Kremer. Ce texte est bouleversant. Ce livre, François Racheline, on peut dire que c'est une enquête un peu pour justement essayer de comprendre pourquoi la mort de ce frère, cet homme qu'il aimait tant, Villa Racheline, fusillé par les Allemands, pourquoi cette mort était si déterminante dans la vie de votre père? Vous avez essayé de comprendre? Je ne crois pas que ce soit véritablement une biographie. C'est-à-dire, j'ai emprunté, bien sûr, le parcours de mon père, mais ce n'est pas une biographie au sens strict du terme. Alors oui, c'est une enquête parce que, autant mon père racontait peu ce qu'il avait fait et parlait peu de sa propre vie, autant c'était un tribun lorsqu'il se consacrait à d'autres tâches ou que lui-même. Et donc, moi, j'ai récupéré des bribes. Ce que disait Agnès de Sarre tout à l'heure était très intéressant pour moi, parce que ça veut dire que quand j'avais 8 ans, je ne comprenais rien et il fallait bien que je comprenne quelque chose, parce qu'on essaie de comprendre quand même. Oui, vous avez vécu un peu l'enfance de Rose. Voilà, quand avec j'avais plus 20 d'amour, ans, peut-être. Quand j'avais 20 ans, j'ai compris des choses, mais il me manquait de. J'avais pas le matériel pour comprendre tout. Et comme il y a, comme vous le savez tous, un embargo sur les archives françaises comme les archives britanniques, il a fallu attendre 2005 ou 2006 pour que quelqu'un comme moi ait accès à ces archives. Et là, évidemment, j'ai commencé à découvrir la profondeur de sa vie, la densité de sa vie. Il n'a toujours été pour moi rien d'autre que mon père. Pendant 20 ans, c'était mon père. Je vivais très proche de lui, on se fréquentait, je l'adorais, enfin tout allait très bien. Je ne le voyais pas en train de rédiger des discours, il n'était pas absent, on allait pêcher, on allait chasser ensemble, il m'emmenait en voiture, enfin c'était mon père, quoi. Donc je ne pouvais pas soupçonner. Donc je ne pouvais pas soupçonner l'étendue de sa vie. Et comme je crois que la mort de son frère a cassé quelque chose en lui, je crois qu'il a entretenu le silence sur ce drame, parce que il a toujours estimé que il n'était pas un héros. Il a d'ailleurs témoigné dans un grand procès, le procès Hardy en 1947-1950. Hardy qui était Hardy accusé d'avoir il était accusé, vendu... On sait aujourd'hui que c'est Hardy qui a trahi et qui a fait que Jean Moulin a été pris et torturé et tué. Et quand l'avocat de Hardy a demandé quelques considérations pour son client en disant « mais quand même, c'était un héros », mon père a dit non. Non, il faut conserver le mot de héros à un certain nombre de personnes. On n'est pas un héros tant qu'on n'a pas été pris, tant qu'on n'a pas été torturé et tant qu'on n'est pas mort sans rien dire. Donc lui disait, moi je n'ai pas été un héros, j'ai fait mon devoir envers ma conscience et ma patrie. Donc quand vous faites votre devoir, vous ne réclamez pas des autres qu'ils vous admirent. Vous avez fait votre devoir. Et je pense que c'est le secret que moi j'ai dévoilé. Vous dites que ce n'est pas une biographie, ce livre, mais en même temps, Lazare Racheline, moi je ne connaissais pas avant le livre, donc c'est peut-être aussi une manière de lui rendre hommage et de raconter cette histoire assez étonnante. D'abord, l'histoire c'est aussi en 1927, il n'a que 22 ans, votre père, il participe à la fondation de la LICA, Ligue contre l'antisémitisme, il a compris le message de Hitler dans Mein Kampf, et donc c'est pour ça qu'il crée cette... Enfin, avec d'autres personnes, il crée avec cette Bernard LICA. Lecache, ils sont voilà. Trois. Je vous propose d'écouter la voix de Lazare Racheline. Interviewé en 1961, le journaliste lui demande s'il s'est toujours considéré comme juif. Je suis d'origine juive, mais personnellement, ni mes camarades, ni dans mon enfance, je ne me suis considéré comme juif parce que autour de moi, on ne me considérait pas comme juif. Comment les choses sont-elles passées à partir de 40? Eh bien, à partir de 40, j'ai naturellement été mobilisé comme tout le monde. Et j'ai été fait prisonnier, j'allais dire aussi comme tout le monde, enfin comme une grande partie des soldats français. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, j'ai senti que j'étais juif. Parce que les Allemands ont commencé par demander la séparation entre les juifs et les autres. Tous les matins, au moment de l'appel, les Allemands demandaient que les juifs se mettent de ce côté, autrement, il va leur arriver des malheurs terribles, comme si le malheur déjà d'être prisonnier n'était pas suffisant. Forcément, c'est une interview que vous connaissez, François Racheline, mais ce qui est quand même fascinant, c'est sa voix, c'est votre voix. Alors là, donc là, vous ajoutez à mon émotion parce que j'ai récupéré ce DVD, cet extrait d'émission. C'est une émission de télévision. Oui, absolument. De Étienne Laloux et Igor Barrère. Je l'ai récupéré en 2013. Et mon père est mort en 1968. Donc entre 68 et 2013, je n'ai plus entendu sa voix. Et donc, il a fallu que je réapprenne sa voix. Alors, je suis très étonné d'avoir la même, mais bon, très bien. J'aurais dû m'écouter. Et je dois vous dire que j'avais oublié sa voix. Donc, votre père s'est engagé volontaire en 1940, il a été fait prisonnier, il s'est évadé, et en France, il découvre que son entreprise a été aryanisée. Quand il revient, donc c'est Vichy. Il découvre aussi que les autorités l'ont dénaturalisé, lui qui avait été naturalisé français juste avant la guerre. Et il n'a plus qu'une issue, et c'est ce qu'il souhaite, c'est entrer dans la résistance. Il est pourtant marié, il a des enfants déjà. Et c'est par son avocat qu'il va entrer dans une filière, son avocat Armand Goéo Brissonnière. Le 24 avril 1942, sur un papier du syndicat d'initiative du Rayol dans le Var, mon père recopie le poème de Rudyard Kipling, dont la version d'André Mauroy commence par deux vers. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir. Lucien pense enfin tenir le bon bout. À la suite de la promesse d'Armand Goéo Brissonnière, il croit son départ imminent. C'est sans compter sur la prudence de l'avocat qui commence par le tester. La première mission consiste à préparer des postes de radio. Le travail convient à l'ingénieur, mais l'action s'interrompt en cours de route. Lucien doit ensuite repérer un terrain d'atterrissage. Il apprend alors que les résistants du coin connaissent tous les endroits naturels utilisables. Après quoi, Goéo l'envoie dans la capitale occupée pour s'assurer d'une planque. Une autre fois, il doit trouver une maison sûre où héberger des agents. Il y répond en obtenant l'accord de Marcel Bleustein qui met d'emblée à disposition sa villa de Juan-les-Pins. Tout cela commence à ressembler aux hâbleries de cartes. Au bout de 3 mois, Goéo Brissonnière lui dit « Jusqu'à là, ce que je vous demandais avait pour but de vous éprouver. Cette fois, je vous pose une question brutale et sérieuse. 6 officiers anglais sont prisonniers dans un camp. Êtes-vous prêt à organiser leur évasion ?» La réponse, paraît-il, fusa. « Oui, bien sûr. » Goéo répliqua aussitôt « Dans ce cas, je vais vous présenter à un grand chef de l'Intelligence Service. » Les rencontres entre le correspondant britannique et l'avocat se situaient en général au palais de Provence, à Cannes. Là, le moment venu, le premier demanda au second s'il connaissait quelqu'un de fiable, discret, courageux et plus généralement capable de mener à bien une opération d'une nature particulièrement délicate. Le rendez-vous se déroule à l'hôtel Cécile à Juan-les-Pins. Lucien aperçoit dans le hall un petit-fils du maréchal Foch qu'il reverra et se rend avec l'avocat dans un des salons. À peine entre-t-il qu'apparaît un petit homme aux yeux noirs et brillants, la figure énergique, mince. Il porte un pantalon de pêcheur et une chemise Lacoste. Il ressemble à un estivant. Vous êtes Lucien ? Oui. Ce dialogue laconique inaugura une association fructueuse et une amitié dont la mort seule brisa le fil. Il y eut, paraît-il, un moment d'observation réciproque. L'homme reprit « Alors, Goéo vous a parlé de l'opération ? Vous êtes prêt ? Oui. Bien. On vous donnera des ordres. » Le type se nomme Gerson et son réseau d'évasion, Vic. Lui-même s'appelle Victor, diminutif Vic. Merci Bruno Abraham-Créhamer. Donc Vic Gerson, un Anglais, un sacré personnage que vous avez connu oui, vous-même. Bien, c'est mon parrain. C'est votre parrain, oui. Hein, qui lui non plus n'était pas très causant, je crois. Très peu. Et donc qui travaillait pour l'Intelligence Service, le SOE, créé par Churchill. Votre père va organiser, il va être le chef d'un réseau d'évasion d'agents britanniques qui ont été emprisonnés en France. Il va s'occuper d'exfiltration aussi d'aviateurs. Mais ensuite, votre père va passer, donc en 1943, directement au service de De Gaulle. C'était important pour lui de travailler pour la France libre. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne pensait qu'à ça, même dans son camp en Allemagne. Il voulait rejoindre De Gaulle. Et il pensait que c'était relativement facile. C'était extraordinairement difficile. J'explique dans le livre que le seul moyen, il n'y avait pas d'autre moyen que de passer par l'Espagne, ou d'aller à la nage. Donc c'était très très très compliqué. Et donc il va se retrouver effectivement à l'automne 1943 à Londres, il va prendre la direction d'un service qu'on appelle le service NM, qui veut dire non militaire, mais il mettra très longtemps avant de savoir que c'est non militaire, du bureau central de renseignement et d'action, c'est-à-dire en fait le contre-espionnage français. Et puis en février 1944, Dacier Davigeri lui dit que De Gaulle voudrait le voir, donc il va à Londres, à Alger, pardon, et à Alger, De Gaulle le reçoit de manière très aimable, contrairement aux aux premières rencontres habituelles avec le général de Gaulle, qui paraît-il glacial. On a plusieurs exemples que je cite, de Romain-Gary précisément, ou de François Jacob. Là, l'accueil est très chaleureux, et il en fait son envoyé particulier pour réorganiser la résistance française, et surtout, là mon père le découvrira sur place, et surtout éviter qu'il n'y ait un soulèvement prématuré de Paris au moment du débarquement qui aurait condamné la capitale. Le récit de la mission clé, donc cette mission qu'il a accomplie à Paris, enfin en France, dans la France occupée, à la fin de l'occupation, c'est absolument fascinant. Ça c'est avril 1944, et puis après il deviendra délégué du gouvernement provisoire. Donc pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, un livre vraiment passionnant qui se lit comme un roman, L.R. Les silences d'un résistant par François Racheline chez Albin Michel. J'ajoute quand même qu'il y a, accompagne mon livre, un site, lr-lelivre.com, sur lequel tous les documents que j'ai utilisés sont accessibles. On le mettra sur le site de l'émission. Voilà. Et je précise que j'ai reçu ça ce matin. La maire de Paris a décidé elle-même d'inaugurer le jardin Lazare Racheline dans le 3e arrondissement. Donc on est très heureux, la famille est très heureuse. Un hommage tardif. un hommage, absolument. C'est bien de le signaler. Merci beaucoup Judith Pérignon, Agnès de Sarthe, François Racheline, Marianne Denicourt et Bruno Abraham Kremer. Voilà, Autant en emporte l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission, bien sûr, est réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires. Antoine Dabrowski était à la réalisation, assisté de Christiane Alain Favre. La semaine prochaine, je vous proposerai une nouvelle fiction, Le Trésor de Priam, consacré à Heinrich Schliemann, un archéologue allemand qui, à la fin du 19e siècle, avait décidé dans sa petite tête de retrouver les vestiges de la cité antique de Troie, rien que ça, tel que l'a décrit Homère dans l'Iliade. Malhonnête, mégalomane et peu scrupuleux, un personnage malgré tout visionnaire et attachant. Pour en parler, je recevrai le journaliste Jean-Marie Kemener, passionné d'archéologie. Autant en emporte l'histoire, dimanche prochain à 21h. Très bonne soirée à tous.